أشراط الساعة les signes de l'heure. Il y a des signes qui font partie des signes de la fin des temps qui existent et qu'on est en train de vivre. Et la grande heure va toucher tout le monde, toutes les créatures. Et toute personne qui ne croit pas au jour dernier, après qu'il y a eu l'établissement de la preuve, on lui a montré les preuves. فَقَدْ كَفَرَ بِالْقُرْآنِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، مَا بَعْدُ. Donc ici on continue avec les signes de la fin des temps bi-ibnillahi subhanahu wa ta'ala. Et on avait traité le hadith rapporté par l'imam Ahmad et Al-Hakim bi-sanadin sahih selon Amr ibn Amr radiyallahu ta'ala anhu warda la semaine dernière, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit: l'heure ne viendra pas jusqu'à ce qu'apparaisse la turpitude et l'obscénité. Avec une traduction approximative, al-fuhsh wa al-tafahush, on l'avait expliqué la semaine dernière et on avait dit que c'était tout ce qui concernait les mauvaises paroles, les mauvaises moralités, les mauvais comportements. Ici, et c'était encadré par ce hadith-là où le prophète عليه الصلاة والسلام a dit al-fuhsh wa al-tafahush. Na'am, et on avait dit que al-fahsha, ici c'était les turpitudes de façon générale, mais que quelquefois al-zina, la fornication, était appelée al-fahsha. Et ici l'obscénité a apparu au jour d'aujourd'hui, d'accord, ou apparaît de plus en plus, surtout à notre époque, que ça soit chez les non-musulmans et chez les musulmans malheureusement, jusqu'à ce qu'on voit des gens, que ça soit des parents ou des enfants, des frères envers leurs frères, des sœurs envers leurs sœurs, qui utilisent des paroles déplacées. Si on veut, entre guillemets, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi des gros mots. Ou alors, si tu veux, des obscénités. Et ici, c'est comme si ce n'était pas grave. Et ça nous rappelle le verset coranique où Allah Azza wa Jal dit: وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et vous le considériez comme insignifiant. Et ça, c'est un verset, comme on dit, les gens de science, qu'on peut utiliser de façon générale. Il n'est pas spécifique à une époque ou à un type de personne. Donc ici vous pensez comme insignifiant, voilà qu'il auprès d'Allah Azza wa Jal c'est quelque chose d'énorme. Ce verset à la base est descendu pour ici le mensonge qui a été porté sur Aïcha radiyallahu anha wa ardaha. Na'am. Ici les hypocrites et ceux qui avaient des maladies dans leur cœur pensaient que c'était une chose insignifiante, mais auprès d'Allah Azza wa Jal c'était une chose énorme. Comme aujourd'hui le fait de dire des obscénités, quelquefois les gens disent ce n'est pas grave, c'est qu'un petit mot déplacé, c'est qu'une insulte, c'est qu'une obscénité. Wa huwa 'inda Allahi 'azim. Alors qu'auprès d'Allah Azza wa Jal c'est énorme, c'est quelque chose de grave, et pourquoi pas, alors que ça fait partie des quoi? Des signes de la fin des temps. D'accord? Le prophète a dit: وَيَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ. Et on va en parler. وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةُ. Et ici la rupture des liens de parenté. D'accord? قَطِيعَةُ الرَّحِمِ c'est ça. La rupture des liens de parenté. وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةُ c'est ici le mauvais voisinage, c'est-à-dire le mauvais comportement envers son voisin. Musulman et non musulman, comme on va le voir, bi-idnillahi subhanahu wa ta'ala. On va commencer avec cette partie, et on continue avec ce hadith qu'on avait débuté. Cette partie qui est, وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ هَذَا مِنْ أَشْرَاتِ السَّاعَةِ. Ça fait partie des signes de la fin des temps. Ici, le fait de couper les liens de parenté. Dans un autre hadith rapporté par l'imam Ahmed, bi-sanadin sahih, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, إِنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ السَّاعَةِ. Ici, il parle aussi de du fait que ça fait partie de la fin des temps. Il dit inna bayna yadayhi as-sa'a, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps? Le prophète alayhi salatu wasalam dit qat' al-arham, c'est-à-dire la rupture des liens de sang, ou alors dit des liens de parenté. Et beaucoup de personnes pensent que c'est quelque chose de pas très grave de ne plus parler à son frère. Je dis bien le frère de sang. On va en parler des liens de parenté. Silatul rahim, qui est encadré par ces termes qui est silatul rahim. On va en parler bi-idnillah azza wa jalla. Certaines personnes pensent que ce n'est pas très grave de ne plus parler à son frère, je dis bien son frère de sang, à sa sœur de sang, à son père, encore pire, son père et sa mère, ou bien les parents envers leurs enfants, ou bien ne plus parler à ses grands-parents, ou bien à l'oncle maternel ou paternel, ou bien ici à la tante maternelle ou paternelle, ou bien aux fils, aux enfants, de l'oncle paternel ou maternel, ou bien aux enfants de la tante maternelle ou paternelle. Et ils pensent que c'est quelque chose d'insignifiant ou de pas trop grave. On va pas en faire tout un plat, comme certains le disent. Et on répète le verset coranique où Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Vous le considérez comme insignifiant, c'est pas grave. Mais auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est plus que grave, c'est énorme, ayyuhal ahibba. Et pourquoi pas? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et le hadith est rapporté par l'imam Muslim, la yadkhulu al-janna qati'. N'entrera pas au paradis. Le prophète, il a parlé de qui? Celui qui coupe, c'est-à-dire celui qui coupe les liens de parenté. Il n'en rentrera pas au paradis, comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit. Donc est-ce que c'est quelque chose d'insignifiant? Est-ce que c'est quelque chose de, comme on dit entre guillemets, ce n'est pas grave? Ou est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement grave? Non. Si le prophète alayhi salam dit ne rentrera pas au paradis, celui qui coupe les liens de parenté, comment dire que ce n'est quelque chose ou c'est quelque chose de pas grave ou pas trop grave ou d'insignifiant ou on va pas en faire tout un plat comme certaines personnes le disent soit avec la langue ou le montrent à travers leur réaction, leur comportement. Wal'iyadu billah. Le prophète alayhi salam a rappelé que celui qui coupe les liens de parenté ne rentrera pas au paradis. Quand on dit silatul rahim, les liens de parenté, ou les liens de sang si tu veux, ou disons plutôt les liens de parenté, de qui on parle? Ici, est-ce qu'on parle par exemple des beaux-parents? Tu es marié avec ton épouse, elle a ses parents, est-ce que ses parents, les beaux-parents font partie de silatul rahim? Ils ne font pas partie de silatul rahim, des liens de parenté. Ici, il y a une divergence entre gens de science, concernant le fait, ou alors concernant le fait na'am, qui est encadré par ce terme silatul rahim, qui fait partie des liens de parenté. Et ici, parmi les gens de science, et c'est l'avis pour lequel, ou pour celui dont je suis le plus apaisé, et ici c'est le fait que c'est l'avis de Jumhur, c'est le fait que les parents, le père et la mère, na'am, et ça, il n'y a pas ici de doute sur cela, le père et la mère, les enfants, ton frère, ta sœur, je parle de sang, hein, ton frère de sang, tes sœurs de sang. Donc ici, il y a les oncles et il y a les tantes font partie de, ici, des liens de parenté. Ils sont encadrés par les liens de parenté. Et ça, c'est des liens de parenté, d'accord, qui doivent être respectés et gardés obligatoirement. Il n'y a aucun doute sur cela. Et certains gens de science ont dit que les enfants des oncles et des tantes font partie des liens de parenté, d'accord, mais c'est détestable le fait de couper ces liens de parenté avec eux, d'accord? Mais ce n'a pas le même degré que si tu coupais les liens de parenté avec tes parents, tes oncles, tes tantes et ici tes frères et tes sœurs. Et ce n'a pas le même degré, mais c'est quand même encadré par les liens de parenté, d'accord? Mais ce qui est sûr, il n'y a aucun doute sur cela, c'est que ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, tes grands-parents, na'am, tes grands-parents aussi, tes oncles et tes tantes, tout cela font partie des liens de parenté et des liens de sang aussi. Donc ces personnes-là, on se doit de garder les liens de parenté coûte que coûte, quoi qu'il arrive avec eux. Et si on les coupe, on est tombé dans un péché qui fait partie de l'kaba'ir, des grands péchés. On fait partie des gens qui sont tombés dans un grand péché. Et ça veut dire quoi garder les liens de parenté avec eux? Ça veut dire se comporter de la meilleure des façons avec eux. Ça veut dire de les visiter. Ça veut dire de les aider financièrement s'ils en ont besoin. Ça veut dire de leur dire des paroles douces. Ça veut dire de continuer à les visiter et à garder une bonne relation avec eux, même si eux coupent cette relation avec nous. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, c'est obligatoire pour toi. Même s'ils coupent la relation avec toi, tu es obligé de garder cette relation avec eux. Tu n'as pas le droit de dire, Mokhlas, il ne veut plus me voir, donc à ce moment-là, chacun sa vie. Cela, tu n'as pas le droit de couper les liens de parenté quoi qu'il arrive avec eux. D'accord? Donc, sauf dans certains cas, bien sûr. Voilà qui nous parlons de façon générale plutôt ici. Tu n'as pas le droit de couper les liens de parenté. Si eux, ils les coupent, toi, tu dois garder ici ce lien avec eux. Ici, on va dire, dans certains cas, prendre de l'écart avec eux, c'est autorisé. S'ils sont nuisibles pour ta religion, etc. Mais couper carrément et de garder aucun lien, non. Il faut que tu gardes un lien avec eux, d'accord? Avec une intention de da'wa ici pour ne pas être encadré par les gens ou par les versets coraniques et les hadiths qui parlent de la rupture des liens de parenté. Le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, le hadith est rapporté par Muslim, celui qui respecte les liens de parenté n'est pas seulement celui qui rend le bien par le bien, mais c'est celui qui continue à respecter ses liens même quand ses proches les rompent. C'est celui-là qui garde les liens de parenté. C'est pas celui qui répond bien par le bien, c'est-à-dire on garde les liens de parenté avec toi, ton père, ta mère, ton oncle, ton grand-père, ta sœur, ton frère, tes enfants, et toi tu les gardes. Et ça, c'est pas ça le lien de parenté. Ici, se limiter à ça, c'est-à-dire du donnant-donnant, tu me donnes, je te donne. Non. Mais les liens de parenté, le fait de garder les liens de parenté, c'est de garder les liens de parenté même quand ton frère, ou ta mère, ou ton fils, ou ton père, ou ta mère, ou tes grands-parents, ou ton oncle, ou ta tante, coupent les liens avec toi. Rapporté par Muslim. Donc, ça c'est une réponse claire à ceux qui disent, mon père veut plus me voir, ma mère veut plus me voir, ma sœur veut plus me parler, mon frère veut plus me parler, mon oncle veut plus me parler, mon grand-père, ma tante ne veut plus me parler, donc moi aussi je ne veux plus leur parler, je ne fais aucune cause. Nous leur disons, tu es dans l'erreur. Garder les liens de parenté, c'est quand eux ils veulent plus te parler, que toi tu continues à faire les causes pour leur parler. Et si à ce moment-là, toi tu as fait les causes ici, pour garder une relation avec eux, et eux, ils ne cessent de couper cette relation, vouloir couper cette relation, tu es encadré par le hadith rapporté par l'imam Muslim, où un homme avait dit au prophète alayhi salatu wassalam, j'ai des proches qui rompent les liens de sang qui nous unissent à chaque fois que je tente de les rétablir. Donc ils les ont coupés. Là on parle de, ici, les liens de parenté. Soit le père, soit la mère, les enfants, l'oncle, le grand-père, la grand-mère, etc. Donc ici, ils ne cessent de les couper. Et ici, ils me font du mal à chaque fois que j'essaie de leur faire du bien. Donc eux, ils lui font du mal, mais lui, il essaie de leur faire et il leur fait du bien. Et ensuite, il continue en disant, ils m'ignorent pendant que je pense à eux. Moi, je les ignore pas, mais eux, ils m'ignorent. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si ce que tu dis est vrai, c'est comme s'ils se brûlaient avec des braises, ou avec une traduction approximative dans une version, comme si tu leur mettais des braises dans la bouche. Et tant que tu continueras ainsi Allah azza wa jal t'apportera son soutien, rapporté par l'imam Muslim. La preuve que même quand on coupe les liens de parenté avec toi, on ne veut plus te parler. Ton père est dit, tu es plus mon fils, tu es plus ma fille, ou alors ton grand-père, ou alors ton oncle, ou alors ici ta tante, et ou bien ton frère et ta sœur de sang, toi tu n'as pas le droit de dire, khlas, c'est lui qui l'a dit. Moi maintenant, chacun sa route. Et agir avec orgueil, et agir avec une fierté déplacée. Voilà comme tu te dis, moi je n'ai pas le droit de répondre au mal par le mal. Et ici, s'il me faisait du bien, et moi je lui faisais du bien, ici, ça c'est du donnant-donnant. Et ça ne se limite pas à ça, le fait de garder les liens de parenté. Mais les liens de parenté, ça veut dire que quand on agit en bien avec toi, tu agis en bien, et quand on agit en mal avec toi, tu continues à agir en bien. C'est ça, garder les liens de parenté. On les coupe, toi tu ne veux pas les couper. Maintenant, si pendant que toi, tu es en train de garder les liens de parenté, toi on te repousse, toi tu as tiré ta responsabilité à Imam Allah. Tu continues à les visiter, ils veulent pas toi. Ou alors tu gardes une relation par téléphone, ils veulent pas toi. Tu essaies de leur envoyer un courrier parce qu'ils veulent même pas te répondre au téléphone et khlas, ils veulent pas toi. Ils t'ignorent, toi tu leur passes le salam. Alhamdulillah. Tant que tu te comportes comme ça, eux ils sont dans une situation critique auprès d'Allah Azza wa Jal et ils méritent, je ne dis pas ils seront, mais ils méritent le châtiment. Et toi tu as tiré ta responsabilité. Non seulement ici tu es dans une position de bien, mais en plus de ça tu ne cesses de recevoir le soutien d'Allah, tant que tu ne cesses de te comporter comme ça avec eux, alhamdulillah. Par la cause de ta patience et le fait de répondre au mal par le bien, Allah il te soutient comme il est rapporté par le hadith de Muslim. Et ici, couper les liens de parenté. Donc on a bien compris c'est quoi couper les liens de parenté, hein. Garder les liens, c'est pas quand on n'est pas bien avec toi, ici, ou plutôt quand on est bien avec toi, tu les gardes. Non. C'est quand on n'est pas bien avec toi, on les coupe, toi tu les gardes. C'est ça, garder les liens. Donc, dans tous les cas, tu les gardes, les liens de parenté. Couper ces liens de parenté, Allah Azza wa Jalla en a parlé dans le Coran Al-Karim. Et il a parlé des conséquences du fait de couper les liens de parenté. Donc, première des choses, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit sur le fait de couper les liens de parenté? Quelles conséquences concernant la personne qui a coupé qati'atul rahim, qui a coupé les liens de parenté? Et ensuite, on verra ce que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit sur ceux qui gardent et préservent les liens de parenté. Même quand on veut les couper, non, ils préservent. Quels sont les mérites et les bienfaits? Awalan, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran Al-Karim? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum. Donc là, Allah Azza wa Jalla parle de cette catégorie de personnes. Parmi eux, il y a ceux qui ont coupé les liens de parenté. Qu'est-ce qu'il dit sur eux? Allah Azza wa Jalla, ulaika alladhina la'anahumullah. Cela, Allah les a maudits wal a'yadu billah. Donc on parle de qui? Allah il a dit, si vous vous détournez, ne risquez-vous pas de semer la corruption sur terre et de rompre vos liens de parenté. Ah, donc si tu es encadré par ou tu fais partie de ces personnes-là, écoute ce qu'Allah dit, ce sont ceux-là qu'Allah a maudit. Écoute bien, a rendu sourds et a rendu leurs yeux aveugles. Il les a rendus sourds et aveugles. Donc, awalan, Allah les a maudits. D'accord? Et celui qu'Allah Azza wa Jal a maudit, kharaja min rahmatillahi Azza wa Jal. Il sort de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Deuxième des choses, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle qu'il les a rendus, donc non seulement ils sont maudits, mais ils sont sourds et aveugles. Allah il dit, fa'asammahum, ay, an sama'i al-haq, kama qala al-ulama. Allah les a rendus sourds. C'est-à-dire sourds quant à la vérité. On va lui apporter des vérités, on va lui donner des conseils vrais, et lui, il va être sourd. Donc ici, dû à, au fait qu'il a coupé les liens de parenté parmi les causes, il a coupé les liens de parenté, Allah Azza wa Jalla non seulement l'a maudit, mais en plus de cela, il l'a rendu sourd. Et quand tu vois des gens qui sont sourds, c'est-à-dire, c'est pas sourd, ils n'entendent rien, mais ils n'entendent que ce qu'ils veulent entendre. Ils n'arrivent pas à entendre comme il se doit et à reconnaître comme il se doit al-haq. Parmi les causes, c'est ils ont coupé les liens de parenté. Ce n'est pas que ça, hein, mais parmi les causes, tu verras que beaucoup de gens qui sont qui ont ce comportement-là, qui n'arrivent pas à entendre la vérité, ils ont coupé les liens de parenté, soit avec leur père, soit avec leur sœur, soit avec leur frère, soit avec leur oncle, grand-père, tante, enfant, etc. Et ça, c'est une cause qui fait que tu reçois la malédiction d'Allah Azza wa Jal et que tu n'arriveras pas à entendre et à écouter le haq comme il se doit. Non seulement, malédiction, sourd, et Allah Azza wa Jal, il a parlé de quoi? وَأَعْمَا أَبْصَارَهُمْ. Allah Azza wa Jal les a rendus aussi aveugles. قَالَ الْعُلَمَاءَ عَنْ رُؤْيَةِ الْهُدَى وَالدَّلِيلِ وَالْخَيْرِ. Ici, c'est-à-dire, Allah les a rendus aveugles concernant la vision de quoi? La vérité, les preuves, la guidance, la voix de la vérité, la voix qui est émise par Allah et son messager. Donc ici, ils vont être aveugles et ils vont être sourds de façon générale concernant al-haq, la vérité. Et souvent, quand on voit des personnes qui sont aveugles et sourdes, donc on a bien compris ce que voulait dire aveugle et sourd, ils n'arrivent pas à voir la vérité comme il se doit et écouter et reconnaître la vérité comme il se doit, quand tu vas chercher en profondeur, souvent ces gens-là, ils ont coupé les liens de parenté avec quelqu'un de leur famille, wal'iyadu billah. Et donc, ça, c'est parmi les conséquences néfastes du fait de couper les liens de parenté. Parmi les choses aussi qu'on retrouve dans la sunna, c'est les mérites. Les mérites de celui qui garde les liens de parenté. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque veut beaucoup de richesse, veut voir accroître sa richesse, celui qui veut beaucoup d'argent, al-mal, et on aime tous l'argent, mais comment on doit aimer l'argent? Comme Allah et le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam nous l'ont enseigné. Sans dépasser les limites, sans débordement, sans l'avoir dans le cœur, mais en le gardant dans les poches, ou dans ton compte si tu veux, ou chez toi. Et ici, sans l'utiliser de façon illicite. À la kulli hal, l'argent halal. Si tu veux voir ton argent s'accroître, non seulement ton argent s'accroître, mais le prophète alayhi salatu wassalam a dit, et tu veux avoir une longue vie. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Qu'il garde, consolide les liens de parenté. Et le hadith il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim fil Sahihayn. Ce hadith est la preuve que plus tu vas garder les liens de parenté, et particulièrement avec ceux qui l'écoutent, tu vas faire les causes pour garder ces liens de parenté avec ton père, ta mère, ta tante, ton oncle, etc. Et plus Allah va accroître ta richesse, et Allah Azza wa Jal va allonger ta vie, et si eux, ils ont coupé les liens et toi tu ne cesses de garder les liens, en plus de cela, on a dit, tu recevras le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc trois choses importantes. Ici, Allah te soutient, ta richesse s'accroît et ta vie s'allonge par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu coupes les liens de parenté, le prophète a dit, dans le hadith rapporté par Muslim, « La yadkhulu al-jannata qati'a » Tu as le paradis qui t'est interdit, wal iyadu billah. Tu mérites de ne pas rentrer au paradis. En plus de cela, al-la'na, la malédiction de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. En plus de cela, tu peux être sourd, c'est-à-dire ne pas pouvoir écouter le haq, la vérité, et aveugle, donc tu ne reconnaîtras pas, tu ne verras pas la voie de la guidance, la guidée, la vérité, ici, donc à toi de choisir, ya Abdallah. Et on n'a rien sans rien, comme on le sait, tous et toutes. Donc on doit s'efforcer de garder les liens de parenté, et savoir que ça fait partie de quoi? Des signes de la fin des temps. كما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. نعم. Ici le prophète il a parlé de quoi? Du fait de couper les liens de parenté. D'accord? Et aujourd'hui on le voit malheureusement de plus en plus. Avant on le voyait pas beaucoup chez les musulmans. Et on l'entendait si on veut très peu chez les musulmans. Maintenant on l'entend de plus en plus. Et on voit que les familles se déchirent jusqu'à ce qu'il y ait des faits divers qui étaient presque incroyables chez les musulmans, qui maintenant ça devient assez habituel quand on voit toutes les histoires qui nous sont rapportées un peu partout dans le monde. Comme le fait que le frère tue son propre frère, musulman, frère de sang, hein, à cause de quoi? De l'argent. Ou alors un homme qui tue sa propre mère, à cause de quoi? De l'argent. Ou alors il est en manque de drogue et il a voulu de l'argent, mais sa mère a refusé. On a entendu ça. Ou bien, le père qui tue son propre fils. Ça, je vous l'avais déjà raconté, à cause de quoi? De la drogue. Parce que sa propre épouse ne voulait pas lui donner son or pour qu'il aille le vendre. Donc il a pris la fille, c'est en Arabie Saoudite il y a quelques années, il l'a jetée par la fenêtre. Ou bien, et ça, on le retrouve. Regardez, non seulement on a coupé les liens de parenté, mais on est arrivé à un stade où non seulement on les a coupés, mais d'une façon très violente. Voilà, il y a de billah. Jusqu'à ce que cette coupure a été accompagnée d'une agressivité énorme et intense, jusqu'à ce qu'il y ait eu le meurtre qui s'est répandu même au sein des familles. Et on avait dit ici à Al-Ahibba que l'apparition du meurtre, c'est-à-dire de plus en plus, ça faisait partie des quoi? Des signes de la fin des temps. Mais là, ici on voit que non seulement il y a le meurtre dans la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, mélangé avec la coupure ici des liens de parenté. Et ça c'est quelque chose de très triste à Al-Ahibba. Et on peut le faire de façon directe et indirecte. Le fait de couper les liens de parenté. Ici, avec tous les cas qu'on a, et particulièrement les cas de, dans les couples, les problèmes de couple. Vous savez très bien que la majeure partie des problèmes, maintenant, aujourd'hui, c'est le problème de couple. Malheureusement, dans la communauté, ici, du prophète, alayhi salatu wassalam, divorce, mariage, problème, enfants, etc., etc. Et, wallah, il y a une chose qui est de plus en plus répandue, à cause de quoi? Le manque de taqwa Allah et azza wa jal, crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a un divorce entre l'homme et sa femme, je parle du musulman et de la musulmane, à cause du manque de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui se séparent en islam maintenant au jour d'aujourd'hui, illa man rahim Allah, comme en tout cas chez un grand nombre de musulmans et musulmanes, ils n'ont pas compris que ça c'était une chose qui était légiférée à la base. D'accord? Et ça dépend des cas. Quelquefois ça peut être interdit, quelquefois fortement conseillé, quelquefois obligatoire, etc. Mais à la base c'est autorisé le divorce. Ça ne fait pas de toi, ici, ou de vous deux, des ennemis. Ici, ça ne veut pas dire parce que tu as divorcé, tu t'es séparé d'une femme, que tu es devenu son ennemi. Et ici, malheureusement, ça, c'est apparu à cause de quoi? Du manque de crainte d'Allah Azza wa Jal. Du manque de science, du manque de piété, du manque de sincérité, du manque d'amour d'Allah envers Allah Azza wa Jal, du manque de véracité, etc. Et maintenant, non seulement, les gens, quand ils divorcent, ça devient des ennemis déclarés, donc l'homme et la femme, en plus de cela, ils mêlent tout le monde dedans. Alors je vous raconte pas quand l'homme était marié avec une fille de sa famille. Donc maintenant non seulement ça déchire, d'accord, deux personnes, d'accord, ça crée la division entre deux personnes, mais entre deux familles. Il rajoute dedans les enfants, il rajoute dedans les oncles, et les tantes, et les parents, et les cousins, et les cousines, et les grands-parents, et les, subhanallah. Et ça il y a de plus en plus. Un divorce a eu al-ahibba, c'est pas la fin du monde. Il y a des compagnons qui ont divorcé, il y a des femmes de compagnons qui ont divorcé. Est-ce que pour cela c'est devenu des ennemis déclarés? Est-ce que pour cela on a vu dans des affaires ou dans des dizaines et dizaines de hadiths des guerres impossibles et incroyables entre un compagnon et une compagnon qui se sont séparés ou divorcés? Ben, ça reste un musulman, une musulmane, ça ne marche pas, khlas. Donc ici on part dans une bonne entente. Allah dit dans le Coran, et n'oubliez pas ici les bienfaits qu'il y a eu entre vous, le bien qu'il y a eu, la bonté qu'il y a eu entre vous. Donc tu t'es connu dans le bien, c'est par toi, d'une façon légiférée comme Allah et son messager alayhi salatu wassalam le veulent. Non, certaines personnes ont créé, ont causé à travers leur divorce qati'atul rahim wal iyad billah, indirectement ici, et ils sont concernés bien sûr, ils ont créé cette séparation et division. Pourquoi? Parce que voilà, l'homme il va monter la tête à sa famille, la femme à sa famille, et à la base ils sont de la même famille peut-être et dans beaucoup de cas, et ici toute la famille va se déchirer. Et donc voilà, un tel voudra plus parler à l'autre personne parce qu'il est plus du côté de l'homme ou plus du côté de la femme, bien qu'il fait partie de la même famille, voilà, iyadu billah, et ils se parlent plus entre oncle, entre tante, etc., etc. Ou bien, deuxième des cas, ici la femme elle va se séparer du mari. Et soit ça vient du mari, parce qu'on a eu les deux cas, et c'est très répandu, ou soit ça vient de la femme. Ici, comment ils réagissent? Il y a des enfants, et ils disent. L'homme, il dit, khlas, moi, j'ai divorcé avec toi, tu verras pas les enfants. Ou bien la femme, elle dit, moi, j'ai divorcé, tu ne verras pas les enfants. Et ils disent, rendez-vous au tribunal. Alors que même au tribunal, même je parle dans les tribunaux, comme ici en France, ou dans n'importe quel pays, et si ce n'est dans la plupart, ou si ce n'est dans la quasi-totalité, ou totalité des pays d'Europe, ici, ils disent bien, quand ils mettent en place une garde d'enfants, par exemple, ou un arrangement pour que tel jour l'homme a les enfants, tel jour la femme a les enfants, ils mentionnent toujours, sauf arrangement mutuel. Ils disent ça, on met ça pour ici avoir un certain équilibre. Mais ils disent, c'est des non-musulmans, ils disent, arrangez-vous. Nous, on veut le bien des enfants. Mais tu vois, Mohammed et Fatima, peut-être Fatima qui porte le djilbab, et Mohammed qui porte la barbe et le qamis, wa l'iyadu billah, et ils réagissent sans crainte d'Allah Azzawajal, et ils commencent. Le juge a dit à 18h01, tu me ramènes pas les enfants, ici, j'appelle les flics, parce que c'était jusqu'à 18h. Et alors qu'on y vient, à 19h, je veux voir les enfants, et 19h02, j'appelle les flics. Et ça s'est répandu énormément, et sans, ici, exagérer, et Allah m'en est témoin, des dizaines, des centaines de cas on a eu. Oui, il a porté plainte contre moi. Elle a porté plainte contre moi. Il a monté un faux dossier contre moi. Elle a monté un faux dossier contre moi des deux côtés. Pourtant, tu dis, subhanallah, mais elle est loin de la religion. Non, non, il porte le djilbab. Il est loin de la religion. Non, il porte la sunna. Agi. Il porte plainte pour, ici, faire du mal à l'autre au nom de l'islam, quelquefois, en utilisant des arguments religieux, wal'iyadu billah, na'am, plein de cas, en disant, oui, c'est un terroriste ou bien c'est une extrémiste. On a eu les deux cas. Et des centaines, et on joue avec les enfants. Et les enfants, c'est qui ils sont au milieu. Et on joue avec eux. Elle est où la rahma? Elle est où la miséricorde? Elle est où le taqwa Allah Azza wa Jal? Elle est où la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Elle est où la pensée de la mort? Il est où le fait que tu sais qu'Allah te regarde? Il est où l'ihsan? Le fait d'adorer Allah comme si tu le vois, s'il ne le voit pas, sache que lui, il te voit. Elle est où ta religion? Est-ce que la religion, on doit vivre avec, on doit la mettre en application à travers nos paroles, nos comportements, nos moralités, etc. Ou c'est simplement un habit? Wal'iyadu billah. L'islam c'est un tout, et ici lors des épreuves on doit prouver à Allah Azza wa Jal qu'on le craint. Et ça, ayyuhal ahibba, il y a beaucoup de gens qui ont coupé les liens de parenté ici sans le savoir. La femme qui dit non, tu ne vois pas ton père quand tu veux, ça c'est quoi? Elle est, elle est rentrée dans le fait de couper les liens de parenté. Ou l'homme va dire non, tu ne vois pas ta mère quand tu veux, c'est moi qui décide. Il est rentré dans le fait de couper les liens de parenté. Donc il est encadré par tous les versets coraniques et les hadiths. La yadkhulul jannata qati' wal iyadu billah. N'entrera pas au paradis celui qui a coupé les liens de parenté. Al-la'na, la malédiction, deviendra sourd, aveugle quant à l'haq, la vérité. Et ensuite donne des apparences, on met des habits et on donne une apparence de pieux ou de pieuse. Alors qu'elle ne sait pas qu'elle est peut-être maudite. Il ne sait pas qu'il est peut-être maudit. Il ne sait pas que peut-être il sera interdit pour lui le paradis. Pourquoi? Parce qu'il a empêché sa fille ou son fils de voir sa mère quand elle le veut et quand ses enfants le veulent. Parce que c'est ça l'islam. Bien sûr, il y a des règles en islam. La femme, après un divorce, c'est elle qui a la garde principale des enfants. Mais avec cela, le mari, il voit les enfants quand il veut. S'il veut les voir, il les voit quand... Mais la garde principale, c'est la mère. Mais quand il veut, il voit ses enfants. Personne ne peut lui interdire. Et dès qu'elle se remarie, la garde des enfants, elle va chez qui? Elle va chez le mari. D'accord? Ceux qui veulent craindre Allah Azza wa Jalla et appliquer les lois de l'islam comme il se doit. Parce que maintenant, les gens, ils appliquent que ce qu'ils veulent quand ils veulent. La garde, elle revient au mari. Mais est-ce que ça veut dire que la mère n'a plus le droit de voir ses enfants, ou alors elle le voit que une fois par semaine, ou tout? Non! Avec cela, elle voit ses enfants quand elle veut. Et les enfants voient leur mère quand ils veulent. C'est ça l'islam. Pour pas tomber dans ce qu'on appelle la zulm, l'injustice, pour pas être parti, faire partie des gens qui ont coupé les liens de parenté. Tu t'imagines qu'est-ce que tu vas dire à Allah Azza wa Jalla au jour de la résurrection? Ya Rab, na'am. Moi j'ai empêché mon fils de voir leur père ou l'homme. Moi j'ai empêché ma fille de voir leur mère. Mais dans quelle situation et position tu vas te retrouver auprès d'Allah Azza wa Jalla? Fa rabbil Ka'ba, une position d'humiliation. Et tu paieras ici-bas et dans le delà. Avant, dhulumatun yawm al-qiyam. L'injustice, ayyuhal ahibba, est ténèbre au jour de la résurrection. Et Allah te scandalisera ici-bas et dans le delà, ya Abdallah. Car ça, c'est parmi les choses qu'Allah déteste le plus. Non seulement c'est de l'injustice, et en plus de cela, ya Abdallah, ya Amatallah, ça, c'est le fait de couper les liens de parenté, donc tu es tombé dans un grand péché. Donc, que chacun craigne Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, wa qati'atul rahim wa su'ul mujawarah. Et on terminera avec ce hadith-là. Le prophète, il a parlé des signes de la fin des temps, et il a mentionné l'obscénité, les mauvaises paroles, les mauvais comportements, al fahsh wa tafahsh. On en a parlé. Deuxième des choses, il a parlé de quoi? Qati'atul rahim. D'accord? Couper les liens de parenté. On en a parlé. Troisième des choses, dans le même hadith, وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ. Ah, le mauvais voisinage, le mauvais comportement envers les voisins. Et on répète le verset coranique, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Et si vous savez que le voisin, il a plusieurs droits, s'il est musulman. S'il est de ta famille, il a plusieurs droits aussi. Et s'il n'est ni musulman ni de ta famille, il a quand même un droit. S'il n'est pas musulman, c'est un juif, c'est un chrétien, c'est un bouddhiste, c'est un athée, c'est ce que tu veux. Ce n'est pas un musulman, il n'est pas de ta famille, il a un droit, c'est-à-dire le droit du voisin. S'il est de ta famille et c'est un musulman, il a combien de droits? Deux droits. Le droit de la famille et le droit de l'islam. Naam. S'il est de ta famille, afwan, il a trois droits plutôt. S'il est de ta famille, il a trois droits. Le droit de la famille, le droit de l'islam et le droit du voisin. Naam. Et si c'est un musulman mais il n'est pas de ta famille, là, à ce moment-là, il a deux droits. C'est-à-dire le droit de l'islam et le droit du voisin. D'accord? Donc le premier cas, ce n'est pas un musulman, ce n'est pas ta famille, il a le droit du voisin. Deuxième cas, c'est un musulman mais il n'est pas de ta famille, c'est ton voisin. Il a le droit de l'islam et le droit du voisinage. Troisième cas, non seulement c'est ton voisin, mais en plus de cela, c'est ta famille. D'accord? Et c'est un musulman, il a le droit de la famille, le droit de l'islam et le droit du voisinage. Naam. Toute personne qui fait partie de tes voisins a au moins un droit sur toi. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa sallam, comme déjà fi sahih, vous connaissez le hadith, il visitait son voisin juif. Jusqu'à ce qu'un jour, son fils à ce voisin juif est tombé malade. Et quand le prophète est parti lui rendre visite, alors qu'il était sur le lit de mort. Et quand il est parti lui rendre visite, il lui a dit, قُلْ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, qu'il n'y a de divinité qu'un Dieu unique et que moi je suis le messager d'Allah. Et cet enfant, il a regardé son père, puisqu'il avait honte, il y avait son père qui était présent. Le prophète Hassan lui dit, embrasse l'islam, avec douceur et bon comportement. Billahi alaykoum. C'était un juif, le prophète Hassan, un musulman. Si ce juif-là, qui était un voisin juif, et qui n'avait pas la même confession, la même religion que le prophète Hassan, n'avait pas été ici, ou n'avait pas admiré la moralité, les moralités, le comportement du prophète Hassan, est-ce qu'il aurait accepté que le prophète rentre chez lui, et parle à son fils qui est sur le lit de mort et qui le prophète lui dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ici c'est impossible. Donc ici ça nous prouve encore le bon comportement du prophète. Il a dit qul ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Le prophète alayhi salam l'a regardé, il lui a dit ça avec douceur. Il a regardé son père, le fils de ce juif, et son père lui a dit ati' abul qasim. Il a dit, obéis à Abul Qasim, la kunya du prophète alayhi salam. Et l'enfant, il a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka muhammadan rasulullah. Et il a attesté, et ici, bi'idnillah azza wa jal, il est mort musulman. Donc ça, c'est la preuve que le prophète lui a donné son droit. Et la preuve que si tu as un voisin, ya Abdallah, qui n'est pas musulman, qui n'est pas de ta famille, tu dois quand même le rendre visite. Et ça fait partie du bon voisinage. Tu n'as pas le droit de lui porter atteinte en faisant du bruit. Tu n'as pas le droit. Comme a dit Sahih al-Bukhari, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à trois reprises, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. À trois reprises, le prophète a juré alors qu'il n'a pas besoin de jurer. Il dit par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant, par Allah il n'est pas croyant. Qil, wa man ya Rasulallah, et qui? Man ya Rasulallah, qui? N'est pas croyant. À trois reprises, le prophète jure. Vous imaginez? فقد عليه الصلاة والسلام الذي من لا يأمن جاره بوائقا كما قال العلماء أي شرة celui qui ne préserve pas d'accord son mal à son voisin celui qui n'empêche pas ici il ne se préserve pas de faire du mal à son voisin donc celui qui se laisse aller et qui se dit ce n'est pas grave et qui fait du mal à son voisin à travers la musique à fond même dit Abdallah Al-Qur'an Al-Karim ou bien des chants religieux islamiques autorisés à fond celui-là il est enterré il est à fond il est encadré par ce hadith-là wal'iyadu billah car il porte atteinte à son voisin il met fort le Coran ce n'est pas le moment de mettre fort le Coran et ce n'est pas de cette manière qu'on utilise Al-Qur'an Al-Karim pourquoi car peut-être ton voisin est très fatigué peut-être ton voisin est malade peut-être ton voisin ici à des invités et ça le dérange peut-être ton voisin ici à une personne qui est chez lui sa mère son père un grand qui est très malade peut-être ton voisin a beaucoup de soucis etc peut-être donc ici toi tu dois tu dois préserver ici tes méfaits à ton voisin tu dois empêcher ces méfaits de toucher ton voisin musulman ou non musulman ya Abdallah et ça c'est le prophète alayhi salatu wassalam qui nous l'a dit à trois reprises rapporté par l'imam muslim je vous citerai trois hadiths Les trois sont rapportés par l'imam muslim. Très connu. Man kana yu'minu billahi wal yawmi al-akhir, fala yu'dhi jarah. Premier hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam dit que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qui ne porte pas préjudice ou atteinte à son voisin. Premier hadith. Deuxième hadith. Man kana yu'minu billahi wal yawmi al-akhir, falyuhsin ila jarih. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il œuvre en bien envers son voisin. Troisième hadith. Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu. Le prophète alayhi salatu wassalam, toujours dans le Sahih Muslim, il nous dit, Jibril n'a cessé de me recommander, d'accord? Donc, le bien en faveur du voisin, jusqu'à ce que j'ai pensé qu'il allait avoir une part d'héritage. Qu'il allait être héritier. Tellement que l'ange Gabriel ne cessait de recommander le bon comportement, les bonnes moralités, ici au prophète alayhi salam concernant le voisin. Jusqu'à ce que le prophète il a dit, j'ai pensé, khlas, tellement que c'était important, il allait avoir une part d'héritage. Subhanallah. Alors c'est qui a une part d'héritage? C'est la famille. Quelque part, regardez, il nous montre, c'est pas de ta famille. Mais tu réagis avec lui comme si c'était de ta famille dans beaucoup de cas. C'est-à-dire, tu te comportes bien avec lui. Tu patientes avec lui. Tu ne lui fais pas de mal, tu le visites, tu lui donnes de la nourriture quand tu peux lui donner de la nourriture, tu te comportes bien avec lui, tu essayes de l'aider, tu, etc., etc. Donc quelque part, tu te comportes avec lui comme s'il était de ta famille, même si c'est un non-musulman. Même s'il ne veut pas parler avec toi, tu dois chercher à parler avec lui, aller le visiter. Même s'il est renfermé sur lui-même, c'est un non-musulman, essaye quand même, avec un petit cadeau de temps en temps, un gâteau, avec de la nourriture, etc. Sache que ça, c'est une ibadah. Énorme et aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le fait de couper ici cette relation avec les voisins, arrêter cette bonne relation avec les voisins, هذا من أشرات الساعة. Ça, ça fait partie des signes de la fin des temps. Et si le prophète alayhi salatu wa sallam l'a mentionné, c'est que c'est quelque chose à ne pas négliger. Car le prophète alayhi salam, tout ce qu'il nous dit, c'est que c'est quelque chose d'important. Tout ce qu'il nous ordonne, c'est que c'est quelque chose d'essentiel. Tout ce qu'il nous interdit, c'est que c'est quelque chose de très grave. Donc on ne doit rien minimiser. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ Et ne pas faire de mal à ton voisin, أَيُّوَ الْأَحِبَّ Ça ne veut pas dire simplement ne pas mettre la musique fort. Donc la musique à la base c'est interdit. Ou alors crier à la maison. Ou laisser les enfants crier toute la journée. Ou alors casser tout chez toi. Non, ça ne veut pas dire que ça. Ça veut dire ça aussi. Mais ça veut dire aussi de préserver ton voisin de ta langue. Ça veut dire ça aussi. Certaines personnes disent, khlas, moi je ne crie pas à la maison, je ne mets pas le Coran fort, je ne dérange pas mon voisin, je ne... Voilà, non, c'est bon. Mais toute la journée, il critique son voisin. Ici, plus la personne est proche de toi, ya Abdallah, na'am, plus la personne est proche de toi, et quand tu lui fais du mal, nous disons plus c'est grave. Ici, si tu fais du mal à ton père et ta mère, est-ce que c'est la même chose que si tu faisais du mal à une personne qui est éloignée de toi? Non. Si tu fais du mal à ton voisin, c'est pas comme si tu faisais du mal à une personne qui n'était pas ou faisait pas partie ni de ta famille ou qui n'était pas un voisin à toi. Rapporté par l'imam Ahmed et d'autres, authentifié par Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ici, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé ou il a répondu à un homme qui est venu l'interroger sur une femme qui faisait la prière. Elle priait beaucoup. Elle faisait beaucoup de jeûnes surérogatoires. Et elle donnait beaucoup de sadaqa, d'aumône. Subhanallah, regardez les trois bonnes actions. La prière est la meilleure des actions, le meilleur des actes d'adoration. Ba'd al-tawhid, c'est quoi? As-salah, la prière. Elle priait beaucoup, masha'Allah. En plus de ça, elle jeûnait beaucoup. Celui qui fait un jeûne surérogatoire et il ne cherche par ce jeûne-là que de satisfaire Allah Azza wa Jalla, que satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il le fait sincèrement, Allah éloigne son visage de l'enfer d'une distance de 70 années. Avec cela, elle prie beaucoup, elle jeûne beaucoup et elle donne beaucoup d'aumônes. Alors qu'on sait que les aumônes éteignent la colère d'Allah. Avec cela, il lui dit le compagnon, walakin, elle porte atteinte à ses voisins avec sa langue. Pourtant, elle fait beaucoup de bonnes actions envers Allah Azza wa Jalla. قال عليه الصلاة والسلام هي في النار. Elle est en enfer. خلاص. Elle jeûne, elle prie, elle donne des sadaqas à juste sa langue. Elle porte atteinte à son voisin avec sa langue. D'accord? Donc, elle fait ou elle dit des choses qui portent préjudice à son voisin. هي في النار. Elle est en enfer. Et ensuite, on lui a parlé, la même personne lui a interrogé sur une femme qui jeûne très peu, qui prie très peu, et qui donne très peu d'aumônes. Walakin, elle ne porte jamais atteinte à ses voisins avec sa langue. Le prophète a dit, hiya fil jannah. Elle est au paradis. Et le hadith, il est authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmallahu ta'ala, dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Donc ça nous rappelle, ayyuha al-ahibba, qu'on ne doit pas oublier cette relation entre nous. Les gens, ils disent toujours, masha'Allah, moi je suis bien avec Allah, je prie, je jeûne, je fais des sadaqas, je lis le Coran al-Karim. Walakin, sa relation avec les gens, elle est très mauvaise. Et encore pire, quand tu fais du mal aux gens. Quand tu fais du mal aux gens. Encore pire, quand tu fais du mal aux proches, c'est-à-dire aux musulmans. Quand tu touches à l'honneur de ton frère ou de ta sœur. Ou bien, à l'honneur d'un des membres de ta famille. Il est plus proche, c'est plus grave. Ou bien, à un de tes voisins. Il est proche, c'est grave. C'est encore plus grave que si ce n'était pas ton voisin. Ou pas de ta famille. Donc plus la personne est proche, plus c'est grave, ya Abdallah. Plus la personne est proche, et plus c'est grave, et ça c'est une règle en islam, d'après les paroles du prophète alayhi salatu wasallam, et avant cela, d'après les paroles d'Allah azza wa jalla, comme l'ont mentionné les gens de science. Donc c'est pour ça, on enjoint nos frères et sœurs à respecter ce hadith concernant l'obscénité, concernant le fait de couper les liens de parenté, et concernant le fait d'agir d'une mauvaise façon avec ses voisins. Et je terminerai avec un hadith rapporté par Ahmed et d'autres, autant que fait par Cheikh Al-Albani. Le prophète alayhi salatu wasalam a dit, le meilleur des compagnons auprès d'Allah Azza wa Jal, ce sont les meilleurs des compagnons avec qui? Avec leurs compagnons. Celui qui est un bon compagnon, ou qui fait partie des meilleurs compagnons envers ses compagnons, envers ses frères, celui-là sera le meilleur des compagnons auprès d'Allah Azza wa Jal. Plus tu es bien envers les gens, et plus tu seras dans une bonne position près d'Allah Azza wa Jalla. Regardez. Ici, Allah te rappelle, alhamdoulilah, l'importance de quoi? La relation qu'on a entre nous. Et le prophète, il continue, il dit, le meilleur ou les meilleurs des voisins auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est qui? C'est les meilleurs des voisins avec qui? Avec son voisin. D'accord? Les meilleurs des voisins auprès d'Allah Azza wa Jalla, ça sera ceux qui auront été les meilleurs des voisins avec leurs voisins. Et les meilleurs des compagnons auprès d'Allah Azza wa Jal, ça sera ceux qui auraient été les meilleurs des compagnons avec leurs frères, avec leurs sœurs, avec leurs compagnons. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.